Hey! Dites-nous le. Attention. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexes malheureux. La radio! Ouais, c'est nous, la radio! Comment ça va, toi, mon ami? Écoutez, je vais un peu vous raconter ce qui s'est passé avant que tout cela arrive. Non. Alors, on veut pas une mise en échec, pas une mise en demeure. Monsieur, oui, déjà la mise en demeure. Bon, on n'a même pas fait... Oui, vous sentez qu'il y a une certaine provocation dans ce début d'émission? Radio activity. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hein? On dirait vraiment le groupe, hein? Radio activity. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ouais. Ouais. C'est le groupe, mais sans talent. Parce que eux, c'est... Parce que eux, là... On a des courts-circuits. C'est tout à fait dans la lignée de tout ce qui est ondes. Dans les ondes, bien sûr, il y a de l'énergie. J'ai pas fait de... c'est vrai, ça. Je vous ai jamais dit ça, mon public. Comment ça va, toi? Oreille attentive. Moi, langue bien pendue, et toi, oreille attentive. Quel beau duo. Ils viennent de me lécher le tympan. Non, c'est le tympan. Tympan. On l'a fait, celle-là? Il me semble qu'on l'a déjà fait, hein? Oh, tout a été fait. Fait que refaisons-le, mais autrement. Tympan. En pleine nuit, une sirène a fait le feu tous les pompiers. Et tous les limonous qui se réveillent. Hey, réveille-toi, on va demander à limonous de se réveiller ce soir, là. Non, je dirais pas pour la première fois, c'est pas vrai. C'est une ville. Limoilou, c'est pas une ville, mais c'est un quartier tout à fait effervescent, pétillant, électrisant, plein de radioactivité. Hey, y a-tu une mouche? C'est quoi? Non, c'est un oiseau. Hey, tu sais pas faire une différence entre une mouche et un oiseau? Wow! Hey, moi, je suis un gars des bois. OK? Pour ça que je viens de Limoilou, moi. Il y a de la forêt à Limoilou. Il y a du poil, il y a de la forêt, il y a de la touffe. Et ben, je suis déjà étouffé, moi, en 2 ans. Mais en fait, je pensais que c'était 2 poteaux. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais à 4 pattes. Les 2 poteaux, c'était 2 jambes. Puis que le reste, ben, je peux pas vous le dire puisque vous allez peut-être le percevoir, là, à travers les rideaux sombres de mon univers que vous commencez tranquillement à comprendre. Tranquillement. Bon, prends-tu relaxement. Non, ça n'existe pas relaxement, madame. Non, c'est relax. Relax. Relax le soir, plic-plac le matin. Mais, c'est sorti tout seul. Comme toutes les 2 heures où ça sort tout seul, moi. Certains, j'ai reçu des courriels il y a quelques semaines. On disait, en fait, j'en ai reçu 5. Et à travers ça, on disait que je faisais de la diarrhée verbale. Un autre qui me trouvait tout à fait étincelant. Donc, peut-être que pour certains, la diarrhée est étincelante. J'ai pas encore analysé tous ces textes-là, mais dans le sang, mais en général, ça va bien. Il y a toujours une petite carotte pas très mûre, même trop mûre, à travers, bien sûr, tout ce qui est bien cueilli, là. Et merci de me prendre comme je suis. avec tout ce qui doit venir de moi, de tout croche et de tout droit et de surtout tout tordu. Je suis torve. Je suis un être torve. Va te torver ailleurs, Gaétan. Va te torver là, mais écoute, ça fait déjà 3 semaines que tu crèches à la maison. Entre le bœuf et la bonne femme. Ouais, mais le bœuf, c'est pas le bœuf, c'est le beauf. Pas de sirop d'arabe. C'est pas une gaufre, c'est un beauf. Beauf pour beau-frère. Et si t'as pas d'éducation, de connaissance, il faut faire une différence entre l'éducation. Et ça, c'est très important. Entre l'éducation et la connaissance. Tu peux être éduqué. Hein? Tu peux manger la bouche fermée à la table. Manger la table à bouche fermée, c'est difficile. Là. Tu vois quoi? Manger avec les nez, avec le noseau. Et pauvre individu sous traitement thérapeutique. Hein, c'est bien dit, hein? Hey, là, je viens de vexer beaucoup de personnes parce que la majorité, nous sommes sous thérapeute. Hein? On se thérapeute comme on peut. Hein? On s'en fait-tu manger de la maïs soufflée pour s'y faire éclater à l'intérieur du corps? Je dis ça parce que je regarde des maïs soufflées actuellement. Ça m'inspire. Moi, tout m'inspire autour de moi. Là. J'ai la mouche qui est devenue un oiseau. Moi qui étais un gars de terrain, moi, hein? Moi, je suis de terrain. Ah, mon Dieu Seigneur. Tout, comment t'appelles ça? Zoné? Moi, ma femme, je ris parce que c'est ce que je vais peut-être dire si je me censure pas. Ce qui me plaisait, là, c'est au début de notre mariage. Pour le meilleur, pour le pire, là, on s'étalait, puis on zonait. On disait, ça, c'est agricole, ça, c'est colonisé, ça, c'est peut-être quelque chose à découvrir. Faites ça à la maison, là. Si vous êtes un vieux couple, là, vous commencez à sentir le moisi, vous aussi, là. Ben, et placez-vous à l'horizon. L'horizon, comme les cowboys de Limoulou, là. Hein, ils se promènent, là, clink-ping, la poche pendante. C'est pas parce qu'ils sont pleins d'eau pis qu'ils veulent vendre ça aux jeunes. Non. Ils n'ont pas de fusil, ils sont pas armés à Limoulou. Non. Oui, ils sont armés de connaissances et d'intelligence. Le jour, le soir. La nuit, c'est autre chose. La nuit, il nous manque tout. On perd tout la nuit. Hein. Voyons donc, j'ai perdu mon petit change, moi. Là. J'ai perdu mes clés pour entrer à la maison. J'ai perdu mes lunettes. J'ai perdu mon cellulaire. Hey, j'ai pas nommé souvent le cellulaire à Errance Renaldienne. Suis-je comme Georges Brassens? Encore à l'époque du phonographe? Je suis le phonographe du pornographe. Hey, comment ça, l'écho est pas très écho? Oh. OK. L'écho. Ah là, c'est très écho. Pour les gens qui me connaissent, vous sentez venir la vanne? Ben moi, c'est le camion, puis la TF1. Non, la F1. TF1, ça, c'est la chaîne qui m'enchaîne au ridicule. En fait, c'est comme le canal V. V pour vie. Vie ta vie. Vie la vie. Avez-vous remarqué, j'ai repris, j'allais m'étouffer. Ça passe très mal lorsqu'on meurt à la radio. On peut le faire sur scène, au théâtre. Des grands maîtres l'ont fait. Le maître Champouel. Vous connaissez pas Champouel? Dramaturge québécois. Qui n'a écrit qu'une seule pièce. Peut-être que je vous le ferai découvrir si vous me le suggérez. Je suis pas en train de digérer. Si vous me le suggérez. Alors là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par suggérer, madame Mahan? Suggérer dans le sens de lui demander d'aller un peu plus loin dans le propos? Écrivez-moi. Écrivez-moi. Arrêtez, on va dire quoi? C'est un insignifiant, une espèce de nom. Un diarrhée verbaux. Et nous avons ce soir le procès verbal. Les procès verbaux. Mais le procès verbal, parce que nous avons pris à travers tous les procès, intenté par un insignifiant du premier ordre, quoique l'ordre est assez incohérent comme le genre d'émission proposée à une radio qui ne mérite pas ça. Une belle radio que tout le monde adore. Et même, je sais qu'il y a quelques personnes solitaires qui se couchent avec le transistor, parce qu'il y a encore du transistor au Québec, il y a du transistor! Hey, il y a la petite radio avec la pile, c'est quoi, un D? Non, c'est un D? En tout cas, c'est pas des A, triple A. Les A, ça n'existe pas. Excusez-moi, le A, c'est pas... Non, c'est double A, triple A, 9 volts, OK? Merci. J'ai une souffleuse qui s'essouffle jamais de me proposer des mots. 9 volts, 9 volts! Ben oui, 9 volts, mais je sais, excite-toi pas. Mais pas maintenant, un peu plus tard, mais pas là. 9 volts. Alors, il y a des gens qui écoutent CKRL sur leur oreiller. Arrête de chanter. Arrête de chanter. Ma mère chantait tout le long, mais ma mère, ça me rappelle ça. Je suis allé la voir aujourd'hui, puis bon, dans sa maladie, elle écoute beaucoup de Denis Roussos. Même, elle n'écoute que ça, Denis Roussos. Avant ça, c'était Michel Sardou, bon, tout ça. Alain Barrière. En pas, mais là, c'est Denis Roussos. Puis, à un moment donné, je chantais, mais avec le trémolo. Elle dit « Arrête! Arrête! » Là, j'arrête de chanter. Non, mais tu peux chanter, là. Fait que là, je reprends à chanter avec lui. La tremolo. Non, mais fais pas ça à la fin. Quand même. Le monsieur devait pas faire ça à la fin parce que je m'appelle plus Rénal. Là. Auprès de ma mère, j'ai plus de nom, j'ai plus de prénom. Je suis une personne qui va visiter une dame. On est rendu là. Alors, l'inspiration se meurt de ne pas trouver et localiser son chemin maintenant que le trouble vient de se déposer sur la nappe nuageuse de la création. Il suffit de provoquer et de se préparer à décoder le flux de déconnage à outrance. Et là, je tiens à dire que il y a quelques heures, je devais faire l'émission et je n'avais pas de trucs à lire, de mots à lire, à divulguer devant vous. Et donc, je me suis mis à écrire, j'ai écrit l'inspiration. Et là, j'ai dit, j'en ai pas d'inspiration, donc l'inspiration se meurt. Et le texte est arrivé ainsi. Alors, je le répète. Ah non, pas encore. Oui, mais j'aime ça répéter parce que là, je vous mets dans le contexte. L'inspiration se meurt de ne pas trouver et localiser son chemin. Maintenant que le trouble vient de se déposer sur la nappe nuageuse de la création, il suffit de provoquer et de se préparer à décoder le flux de déconnage à outrance. Puis là, après ça, j'ai écrit que des textes, que des textes, que des textes. Le départ, l'élan du renard, le chemin ratoureux risque de s'axiadiocien, messia, ni re, ni mer. Ménester. Ah oh oui, hey, au Québec, on ne peut plus prier, là, hein? À l'hôtel de ville, là, c'est terminé. Non, je ne salue personne. Je salue ma maîtresse, je salue mon professeur de secondaire 1, mon professeur de secondaire 2, mon professeur. Arrête donc, toi, tu t'es rendu jusqu'où? Ah non, c'est monsieur, ça va bien, hein? C'est le vin de messe. Oui, c'est pas juste le vin. C'est la messe. Ah, la messe a été longue à péché. Le départ, l'élan du renard, le chemin ratoureux risque de s'accidenter par-delà la voie lactée au truchement des étoiles qui déclare la supercherie. La vie risque gros, l'amour qui s'y renferme aussi. Oh! La vie risque gros, l'amour qui s'y renferme aussi. J'aime bien ça. La vision du cocon. Pas du concombre qu'il a écrit, là, mais du cocon. Lorsque j'enferme une vision dans un contexte. Non. Il ne faut pas que j'analyse mes textes parce que je pense que le public. Je pars tranquillement. Sentez-vous que je pars? Je pars. Je veux plus rien savoir. Je pars. I went to bien asseoir. I went away to the end of the night. Je pars. I went to bien asseoir. Je pars. I went to bon asseoir. Arrête de chanter! C'est la voix de la maternelle. De la maternelle d'école, première année, secondaire 3. Oh, ça c'est bien parce que je l'aime, vous le savez, si les gens me suivent à la trace de briques. Puis alors, la perle cinéma. Qu'est-ce que tu as dit en sourdine? C'est subliminal. Oh! On peut pas répéter. Fallait être à l'écoute. Puis là, les gens qui nous écoutent à la radio, pas à la radio, mais oui, mais dans leur voiture, leur véhicule, puis ils discutent avec la personne à côté, c'est leur voisin, leur... passager. Qui discute avec le passager. Non, mais il fallait que je me... c'est pas facile, la vie, hein? Un pas devant l'autre et de recommencer. Bon. Et puis, c'est comme je disais, là, la personne d'à côté. Vous discutez avec, vous avez perdu 15 secondes de mon propos. Tout semblait cohérent. Mais oui, c'est bien. Alors, Piala, parce que c'est un romancier que. Là, pas un romancier, mais c'est un réalisateur, un homme de cinéma. On va mettre un homme de cinéma parce qu'il a joué dans des films aussi. Très peu, mais puis il était excellent réalisateur, scénariste, bon, découvreur de grands comédiens, comédiennes que l'on connaît aujourd'hui. Sandrine Bonheur, entre autres. J'ai dit Sandrine Bonheur, entre autres. Non, c'est pas Sandrine Bonheur, entre autres, c'est Sandrine Bonheur, entre autres. Puis alors, je me dis que si le public m'écoute, de un, lorsque je... Oui, je sais, vous allez l'entendre tantôt, là, tout à l'heure. Lorsque je parle avec mes invités français, il y en a certains, malheureusement, je parle beaucoup trop vite. Faudrait que je ralentisse mon début pour dire bonsoir, bonjour. C'est carré. Tu sais, commencer à relaxer. Il faudrait que je prenne 2-3 drinks. Là. Je sors de drink, and a drink. Money. Avez-vous de la money? Je suis un SDF. Money. As-tu la money? As-tu money? Oh, j'ai le prisonnier. Je suis le prisonnier. As-tu la money? Toi, money. Piala. Là, on revient au réalisateur. Je vais arrêter de déraper. Excusez-moi, là. Je me sens comme un scooter. Il y a trois semaines! Mais je crois que ça y est! Avez-vous écouté? Ils n'ont pas écouté. Téléchargez, déchargez, faites quelque chose! Scooter, la glace! Faites-vous expliquer! Appelez vos parents, vos enfants! Dérangez le peuple, là! Il est quelle heure? Minuit 24! Minuit 27! Appelez n'importe qui! Là, faites un faux numéro! Avez-vous écouté Rancé Nadine il y a trois semaines? C'est quoi le dérapage? Racontez-nous le dérapage! La personne qui est que vous allez appeler. Les remparts n'ont pas gagné cette année. Allô? Rampage! C'est quoi? RL! L'ORL! J'ai pas pris de rendez-vous pour l'ORL. L'ORL? C'est quoi? C'est une nouvelle maladie. Voyons donc, ouais! Alors, Piala, le réalisateur, il va t'accoucher, t'as accouche! On n'est pas pressé. Calme-toi. Prends ta frite et tourne-la dans le ketchup. Ouais. Est-ce que vous. Quand on allait, à l'époque, dans un snack bar, on appelait ça un snack bar, on prenait notre patate. Hein? On prenait. C'était très simple. Deux roteux, un graisseux. On prenait les roteux. Moi, je mange. J'étais très peu roteux. Moi, j'étais hamburger. Mais en tout cas, pour l'histoire, là. Mangeais ton premier roteux. Là, tu disais après ça, je m'attarde aux graisseux. Fait que là, tu prenais tes graisseuses. Des petites graisseuses, parce que c'est des petites graisseuses. Elle aime ça. Elle aime ça graisser des graisseuses. Tu en prenais une, tu as tournoyé dans le ketchup. Là, t'es tournoyé, tu chantes en même temps. Là, t'entendais ta mère, arrête de chanter! Okay. Et là, tu zieutais ton coke. Bon, peu importe, là, on va dire les mains. Ton verre de coke avec la paille. Là, tu dis, oh, quand je vais avoir mangé ma frite bourrée de ketchup, je vais me prendre une bonne pompe de coke. Là. Par la bouche, là. Coca-Cola. Oh non, viens, oh non! Vous avez entendu un bip, hein? C'est, en tout cas, de la liqueur noire. Et c'est pas du pétrole. Quoique ça bubule. Et puis, là, tu manges ta graisseuse qui venait tout juste de s'imbiber de ketchup. Là. Tu prenais ton... ta boisson gazeuse. Puis, oh, c'est ça, la vie, là! Puis, alors... Réalisateur, puis elle a la perle cinématographique dans l'huître de la création. Puis elle a la perle cinématographique dans l'huître de la création. Tout ça pour ça! Oui, tout ça pour ça, puis même c'est tellement ça que je vais mettre ça sur mon Facebook. Donc, je vais déchicoter, je vais enlever la... En tout cas, je vais repasser. Ah, c'est ça, tu repasseras. Ben oui, on va repasser, madame. Choquez-vous pas. Non, on n'est pas choqués, mais on s'imaginait quelque chose de plus cérébral. Ben oui, mais... En fait, là, avec les mots, il faut se laisser caresser. Il ne faut pas tenter toujours l'uppercut. À un moment donné, des coups sur la gueule, là, ça fait perdre de la mémoire. Il faut relaxer. Mais j'adore aussi brusquer. Je suis très underground là-dedans. Monsieur le Président... Monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, on va savoir, okay, on arrête ça un peu tranquille. Bon, un, deux, ah, c'est mieux de même. Monsieur le Président, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à l'émission de variété où on l'a dit ça. Bienvenue. Hey, mais non, tu lis deux fois. Mais oui, c'est parce que j'ai des doubles foyers. La première lit, puis la deuxième essaye de relire. Enfin, bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénald Lenéant Gagné. À quoi vont faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Attention! Feu Facebook. Non, ça existe encore, madame. Allez pas voir votre compte en disant, c'est pas vrai, mais mes photos là, de Ben Dame. Non, tout est là. Vos amants, votre mari, vos enfants, vos petits-enfants, vos petits-petits-enfants. Bon, tout le monde est là. Bon. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. La... Hein? Ça, j'aime ça. Parce que j'ai une réaction. Les gens disent, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai déposé les feuilles sur un disque de Georges Brassens et juste mon volet du 8 mai 2015 a glissé. Seulement ça, mais par terre. Donc, je me suis penché. C'est pour ça que vous avez entendu. Allez voir sur la vidéo. À un moment donné, je vais placer ça sur mon site Internet. Là. Je suis pas simplement en retard. Il se passe des affaires dans ma vie. Je ne veux pas trop vous raconter. L'absurde aventure de l'air... Alors, j'ai pas le temps, c'est pour ça. Mais j'ai le temps de vous parler ce soir, de nous rencontrer à chaque vendredi. Et merci sincèrement d'avoir la patience. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal de Lenéant Gagné, tourne là la page. Aujourd'hui, le vendredi 8 mai 2015, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'artiste Christophe Gibet. Christophe Gibet est un acteur et humoriste français. Après des débuts en tant que figurant, il se fait connaître du grand public grâce au succès de son spectacle « Pourquoi pas ce soir ?». Il continue par la suite d'alterner le travail entre la scène, le cinéma et la télévision. En juillet 2014, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet homme des plus intéressants. les années 80, en tout cas. Début des années 80, Robert Gravel est arrivé avec le même principe que le hockey, avec la patinoire. Voilà. Et donc, il y a des protagonistes qui improvisent sur un thème et les gens tirent, s'ils ne sont pas intéressés, des godasses. Ouais. Et les comédiens reçoivent des godasses. Il y a un arbitre, donc on peut arrêter la, on peut arrêter le match parce que, exemple, il y a respect du thème. Ouais. Plein de choses, mais plein de choses. Donc, je l'ai vu, hein, j'ai assisté. Oui, c'est fou. C'est il y a même eu au Québec, il doit y en avoir tous les ans, il y avait la nuit de non-stop, ça ça c'est à chaque année. Et c'est fou. Au Québec, l'improvisation a pris une place prépondérante, puis surtout que c'est basé sur notre sport national, le hockey. Ah oui. Et donc, la France a été vraiment intéressée, et il y a des lignes très intéressantes. Exceptionnelles, la France a battu le Québec, là. Oui, oui, mais on vous a laissé une chance, on voulait vous revoir, hein, on voulait vous revoir. Ça dit, il y a eu de très grands joueurs québécois qui sont venus jouer en Ligue en France. Oui, oui. Je vais te mettre. Oh oui, pas de problème. Que je vais faire un jeûne hydrique. Tu sais ce que c'est, ça? Non. C'est extraordinaire. OK. Moi, je pouvais pas avoir d'enfant à une époque. Tu vois, j'ai des problèmes. Et puis, mes compagnes avaient eu des problèmes. J'arrivais pas à avoir d'enfant. Et puis, il y avait un hôpital, un grand hôpital à Paris, qui m'avait proposé d'être le cobaye d'un nouveau médicament. On appelle ça un protocole. Et puis, c'était à base de cortisone. J'avais pas envie de prendre ça. Tu vois, ça. Et puis, je vois un documentaire à la télé. Je tombe de ma chaise. Ça s'appelle le jeûne hydrique. Le fait de ne pas manger et de boire que de l'eau. Alors tu manges pas, là? Tu manges pas. Là, si, je mange des légumes parce que c'est ce qu'on appelle la descente. Okay. Avant de commencer, petit à petit, tu diminues, tu manges de plus en plus de légumes. Okay. Puis après, tu prends que des jus de légumes et que des jus de fruits pendant 2 jours. Et après, tu arrêtes de manger pendant 1 semaine. Tu bois de l'eau. Tu le fais pas dans ton contexte géographique, socio-professionnel. Hein. Tu vas dans la nature. Mais tu ne fais pas dans la nature? Non, mais parce que je commence après-demain. OK. Et tu, en plus de ça, tu ne manges pas, tu bois de l'eau et tu as une activité physique tous les jours. Tu fais entre 15 et 30 km dans la nature. Mais là, il te faut une femme, là? Pas sûr, je vais te dire pourquoi. Excuse-moi, ok. Non, mais c'est ta question intéressante, je vais rebondir là-dessus. Okay. Et en fait, tu peux le faire avec un groupe, encadré. Moi, j'en ai déjà fait 3. Ça n'a rien à voir avec les partouses, là? Non, rien à voir avec les partouses. Rien à voir. Rien à voir. C'est moins intéressant, ok. Mais il faut savoir que ça guérit entre 40 et 60% des maladies et qu'en Allemagne, quand tu fais ça, c'est remboursé par la sécurité sociale. Okay. Les Russes, les Anglais, les Allemands, surtout les Allemands sont à la pointe. C'est incroyable. Tu as des grands universitaires, des grands professeurs dans des grandes universités américaines, etc., qui t'enseignent tout ce qui se passe dans le corps à ce moment-là. Et c'est la première phrase d'Hippocrate, le père de la médecine contemporaine, de la médecine qu'on utilise nous. Guéris-toi avec ce que tu ne mangeras pas. Et tu as une patate d'enfer. Tu as une pêche d'enfer. Alors, ce qui est drôle, c'est que tu n'as pas de libido. Tu n'as pas de fantasme. Je vois ton œil qui s'éternise. Mais tu as la bite de tes 20 ans. Okay. Tu as un truc de David avec non, le dessin, jeune, etc. Et tout. Ouais. Non, mais t'as mon âge. Mais je veux dire, tu retrouves une vigueur extra-explosionnelle. Et moi qui avais des petits soucis, 2-3 conneries, etc. et tout, j'arrivais pas à me débarrasser. Finito. Ouais, mais et là, tu as des livres, tu as un grand américain, un grand scientifique américain qui s'appelle Shelton, dont Gandhi voulait qu'il installe une école de jeûne en Inde. Okay. Ils ont fait des expériences très poussées, très pointues sur tous les bienfaits que ça t'apporte. C'est extraordinaire. Oui, mais là, est-ce que tu parles avec ta copine aussi? Alors moi, je vais le faire avec elle parce qu'elle a envie de tenter, tu vois, elle a envie d'essayer. Puis elle avait un enfant, donc. On a eu un enfant, tu vois, mais okay. L'enfant, oh, il va être... Vous avez eu un enfant? On a eu un enfant. Okay. Bah, grâce à ça, j'ai pu avoir un enfant. Alors là, vous voulez un autre enfant? Peut-être, on pense pas à ça, mais bon, elle, après la grossesse, tu vois, il y a la fatigue. Ça fait combien de temps? Il a 10 mois et demi. Okay. Vois, oh, ben là, ok, mais ça ne se reproduira pas encore. Ah, c'est quoi ça? Là, ben, là, on peut pas reproduire encore. Tu peux pas refaire un autre enfant. Ouais, femme, peut-être mais... un petit peu attendre, tu vois. Ouais, mais ben, on y va surtout pour la santé, pour l'hygiène okay. de vie, etc. Et c'est extraordinaire. Mais là, l'histoire, c'est la suivante. Est-ce que c'est gratos? Non. Alors, on si sent l'arnaque, nous... peut-être. Non, non, okay. non. Parce que des fois, les gens disent, ah, c'est une secte. Alors, tu as des centres. En Allemagne, c'est très cher. Tu as des centres qui sont spécialisés. Où tu es encadré, où tu peux avoir un médecin ou des gens comme ça qui vont encadrer cette semaine, parce que tu as des gens, la première fois, c'est ils peuvent paniquer tout. Une semaine. Okay. Tu as le primaire, secondaire, tertiaire. Okay. Les gens qui font le tertiaire, à la fin, au bout de 18 jours, 19 jours, ils vomissent un liquide noir comme ton t-shirt. C'est le fond de la cuve qui jette toute la merde qui restait. Quoi. Parce que tu élimines de la merde. Et dans la tête aussi. Hein. Dans la tête, tu balayes un tas de trucs qui te font chier depuis des années. Okay. C'est génial. Okay. C'est génial. Okay. Et toi, c'est ta deuxième... Moi, ça sera mon quatrième. Oh, ok. J'essaye d'en faire trois. Mais là, t'es rendu quoi, là, au deuxième niveau, au troisième niveau là. Alors, le quand on fait un tertiaire, c'est 18 jours d'affilée. Ok. Mais là, c'est un petit, là. Toi, c'est... Là, c'est un petit, une semaine. Ok. Okay. Et toi, quand tu reviens, pour ça, t'es comme ressourcé. T'es comme. T'es ressourcé, tu vas bien, t'as la pêche, t'as plus de problème d'articulation, tu maigris, tu es en pleine forme, ta tête, ça va bien. C'est génial. Et tu te reposes. Mais pourquoi tu prends pas la décision d'aller vivre en campagne? Peut-être que ce serait beaucoup plus zen pour toi, la campagne. Parce que le problème. Oui. Tu sais bien en parler, c'est que le problème, c'est que, hélas, tout se passe à Paris dans notre boulot. Je sais pas si je vais à la campagne, ouais. Je vais mettre une heure pour arriver au théâtre le soir, ou pour un rendez-vous, etc. Comme nous, tu vois, là je suis tranquille, j'habite à Paris, j'habite pas loin. Ouais. Donc ça c'est le souci. Là. À une époque, j'avais une maison dans le Morvan. Et le Morvan, tu connais? Oui. C'est un copier-coller du Québec. Oui, c'est l'hiver est très dur, c'est des hivers à moins 30. Hein. Mais j'avais une maison là-bas pendant 5 ans. J'étais fou de cette région. Ben oui. J'adorais cette région. C'est un endroit reculé. Là. C'est un endroit reculé, c'est le trou du cul de la France. C'est oui. vraiment ces trucs. Tu as plein de lacs, comme au Québec. Au Québec, oui. Moi, quand je suis allé au Québec, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est on dirait le Morvan. Sauf que les arbres sont plus grands. Sont plus hauts. Ouais. Parce qu'il y a des. Les arbres indiens, là, j'ai oublié des. Séquoias. Okay. Ouais, ça, c'est magnifique. Et moi, je voulais planter des séquoias dans le Morvan, vous avez fait tout, mais ça prend. Ouais, fais ton petit Québec faut être un Highlander, quoi, tu vois, c'est pour ça. Le voir grandir, quoi. Exactement, ouais, comme lorsqu'on met un enfant au monde, souvent, on plante un arbre, hein. Ça, c'est bien. Ouais. Je n'arrive plus à ouvrir l'escape, il n'y a que moi que ça embête. Je ne retrouve plus tes photos, je ne retrouve plus tes photos. J'ai perdu mon code club internet, il n'y a que moi que ça embête. Je ne Souris, Valérie, je vois la tour est faite.

weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day, I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day, you just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Tu as des enfants? Oui, j'ai une fille de 74 ans. C'est pas vrai. Ben oui, je suis aidant naturel, c'est ma mère. Donc, je décide à sa place. Oui, c'est vrai, elle est Alzheimer. Donc, merde. Ah oui. Oui, mais quand je dis ça, oui, c'est ça. Ça rapplombe un peu. Hein. Donc, c'est ça. J'ai une fille de 74 ans. Je sais que c'est vieux, mais je suis pas si jeune que ça. Mais écoute, lorsque tout ça s'est arrivé il y a 3 ans, là, je disais aux gens qui m'entouraient, parce que ils prennent l'aplomb que tu viens d'utiliser. Là. Il faut tout prendre avec humour. Hein? Ouais. Oui, tout prendre avec humour. Puis la maladie est à prendre avec humour. La personne qui souffre doit... on doit lui vivre avec elle avec une certaine... légèreté. Une facilité, oui. Une facilité, une acceptation. Ne pas dramatiser. Parce que le côté dramatique de n'importe quoi, là, le dramatique est tellement facile à acquérir. Ça vient tout seul, le dramatique. Hein? On est une société qui dramatise tout. Une crotte de chien, ça peut devenir dramatique. C'est juste une crotte de chien. Tu sais, l'Alzheimer, c'est de l'oubli à long terme et à court terme. La fin, c'est à court terme. Mais au début, c'est à long terme. Non, c'est l'inverse. C'est en court terme au début, puis après, ouais. C'est à long terme. Mais ma mère, c'est avant tout la démence, puis ensuite, c'est l'Alzheimer. Donc... Mais le dramatique, il est aussi qu'on se projette par rapport au fils. On se dit, merde, qu'est-ce que moi... Ah oui, mais... Non, mais en même temps, on est chacun d'entre nous, on est gaulé pour affronter les situations. Et il n'y a rien qui nous arrive sans qu'on soit incapable de rien faire. On est à la mesure de ce qui nous arrive. C'est joli comme phrase, oui. C'est vrai. C'est sûr qu'à l'extérieur, on apprend ça. Pouf, là, on est comme en train de s'effondrer parce qu'on se place à... Mais écoute, c'est sûr que ça prend quelques heures avant de refaire surface. Mais après ça, c'est de chemin courant, hein? Hey, Jean Lapointe a fait un spectacle. Après ça, j'ai 10 questions. Jean Lapointe a fait un spectacle, OK. Et j'étais là, ça fait longtemps, en 89, là, pendant que sa carrière était vraiment en haut. Là. Il venait de faire l'Olympia à Paris. Il avait loué une salle pendant un mois. Il s'était mis à nu à Paris pour faire un nom. Raymond DeVos l'avait endossé. Mais ça a été un flop monumental à Paris. Ah oui, parce que c'est un Québécois... à Paris, et il voulait Morticus réussir, et il avait loué une salle de théâtre. Donc, ça coûte cher, une salle de théâtre. Laquelle il avait loué? Je peux pas te le dire, mais je sais qu'il l'avait fait à la fin deux fois l'Olympia. Quand même. Oui, quand même. Mais à quel prix? À quel prix? Tout ce qu'il avait investi pendant des années au Québec avec des spectacles qui ont bien fonctionné, il a placé ça ici parce qu'il voulait être une vedette, sans doute. Et années. Il a fait réserver l'Olympia avant de commencer par, avant de commencer les premiers jours à Paris? Ou non. Il a fait l'Olympia parce que ça a, été, ça a marché? Oui, quand ça même. A marché parce qu'il a fait le Grand Échiquier. Hommage à Raymond DeVos, ça fait longtemps quand même. Hommage à Raymond DeVos. Et il venait d'arriver, il était en décalage horaire. Et on voit, moi, Jean Lapointe, il y a Raymond DeVos. Tu sais comment c'était fait le Grand Échiquier. Et on voyait les artistes qui étaient derrière, hein, qui attendaient leur tour pour faire leur Saint-Gilles. Bon, mais là, Jean Lapointe était dans le fond. Il venait tout juste d'arriver en avion. Et là, il baillait pendant l'émission. Mais quand c'était son tour, bang, il s'est donné. Mais tu voyais le bonhomme qui était là. Pendant que tout le monde parlait, il essayait de... Pauvre monsieur. Et alors moi, je suis allé voir le spectacle. Et l'après-midi, la mère de sa femme est décédée. Il est monté quand même sur scène. À la fin du spectacle, il a dit, excusez-moi, j'ai essayé de donner ce que je pouvais. Et j'ai appris quelques minutes avant de monter sur scène que la mère de ma femme est décédée. Et j'ai voulu quand même honorer mon spectacle devant vous. Et les gens étaient... Parce qu'on n'avait rien vu, on n'a rien vu. Le bonhomme nous faisait rire et nous amenait l'émotion, malgré ce qu'il vivait dans sa vie. Pourquoi tu dis que c'était un flop puisqu'il a joué à Paris puis après il a fait l'Olympia? Pourquoi c'était un flop? Ben, les Parisiens n'aimaient pas ce genre d'humour-là. C'était de... Parce que c'était de fin des années... milieu des années 80, 85-86... C'était un Américain francophone. C'était Jerry Lewis. C'était, en même temps, c'était Raymond DeVos, parce que Raymond DeVos aurait pris quelques chansons. « Tu as les yeux bleus et tu es si jolie, tu joues avec ma vie. » Il avait repris ça sur scène, mais en jouant avec des pétanques. Des boules de pétanque. Et là, il fait descendre la boule de pétanque en disant « Ah, ça, c'est la terre. Elle vient de Sichuan. » Et voilà, c'est plein de... Raymond DeVos et Jean Lapointe étaient des grands amis et ils s'aidaient mutuellement. Oh oui, des grands amis, ils s'aidaient mutuellement. Et pour faire le Grand Échiquier, c'est l'invité qui choisissait des artistes. Et Raymond DeVos a dit, je vais avoir Jean Lapointe, faites-le venir. Et Jean Lapointe a fait le Grand Échiquier. Et les gens étaient subjugués parce qu'ils pouvaient faire Aznavour. C'est le type qui a fait des imitations sur cinq couleurs, OK? Sur scène, il y avait rouge, bleu, jaune, vert et rose, exemple. Rouge, c'était Aznavour, bleu, c'était Jacques Brel. Et il passait de lumière en lumière juste en se déplaçant. Il y avait cinq micros, il se déplaçait. Il faisait la basse à mille temps, mais avec Aznavour, la basse à mille temps, tout ça. Et avec les tics, tout ça. Et il changeait de couleur, puis à la fin, là, en cinq secondes, il rentrait dans le monde, un autre. Et il se plaçait dans le milieu, et c'était Jean Lapointe à la fin qui disait, qui finissait la chanson. C'était fou, là. Ça, c'était vraiment... son rappel, c'était son grand succès. Il faisait des imitations exceptionnelles. Comment il s'appelait le Québécois qui était en clown et qui était tout déguenillé comme ça? Qui a fait... Ah, Marc Sol. Sol. Marc Favreau. Sol, que je l'ai vu 6 fois au Théâtre du Châtelet à Paris. Ma mère m'a emmené voir ça. C'est un humoriste francophone. C'est-à-dire, c'est pas juste un Québécois, c'est un type qui a fait toute la France, toute la Belgique, toute la Suisse, en Afrique. Et il a été reconnu parce que c'est un homme de l'absurde. C'est avant ça, Sol était à l'origine une émission pour enfants, Sol et Gobelet. Gobelet est parti, qui était le clown un peu plus futé. Sol, c'était le pauvre mec là, qui est délabré, qui essaye de faire quelque chose de sa vie, mais il n'y a pas d'éducation. Et c'est à travers ses mots, son absurdité, qui relate la vie, parce que il n'y a pas de... Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de mots. Les mots, il essaie d'en dire et ça sort tout croche. Il continue? Ben, il est décédé. Je sais pas. Ben, il est décédé. Écoute, il devait faire sa tournée, comme d'habitude. Et une semaine avant, plan, il est mort. Mort jeune? Ah, ben, 60 et... Je crois que c'est le cœur qui a flanché. 67, 68. Mais il est mort, là, sans aucun signe. C'est fou, là. C'est fou. Ben, Gilles Vigneault a 87 ans. Il y a une... là, il s'en va tourner, là, en France, là, dans quelques jours. C'est fou, hein? Ah ouais. C'est fou. Et il va mourir, sans doute, quelques heures avant de rentrer sur scène. C'est des Molières, ce genre-là. Hé, hey, j'ai 10 questions. Oui, parce que là, j'ai parlé, mais c'est toi que je veux... C'est intéressant, ben, c'est intéressant. Ben, oui. Et moi, surtout, Jean Lapointe, c'est quelqu'un que j'ai adoré. Je vais aller voir sur Internet, parce que je suis sûr que je connais Jean Lapointe et Sevé, tu m'as dit. Qui? Jean Lapointe? Jean Lapointe, et l'autre, tu m'as parlé d'un autre humoriste en ce moment qui est grand et maigre. Qui va jouer ok, Sauvé, Sauvé. Sauvé. Oui, ouais. André Sauvé. André Sauvé. Ouais. Si tu étais un liquide. L'eau. Pour ta cure. Ouais, l'eau, j'adore l'eau. Toi, de mille. marcherons, toi et moi, et puis le temps passera. Peu m'importe demain, je suis à toi, tu le sais bien. Et quand la lune me donne de tes nouvelles, je frissonne jusqu'au bout de mes doigts. Tu le sais bien, je suis à toi. Si les étoiles de minuit s'installent au-dessus des toits de Paris, c'est pour toi. Si les étoiles de minuit s'emballent parfois dans le ciel de Paris, c'est pour toi. Parfois dans le ciel de genre à abandonner, mais tu dois avoir abandonné le vin, l'alcool. Non. OK. J'adore. OK. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu te dis je m'arrête. Mais pourquoi s'arrêter en plein été? Une cure, ça devrait se faire en hiver? Non, parce que là, c'était le seul moment qu'on avait un peu de libre, okay, elle et moi, où on était. En général, c'est conseillé au changement de saison. Mais je l'ai fait en hiver, je l'ai fait en automne, je l'ai fait en été, je l'ai fait presque en toutes les saisons. Puis, est-ce que ta copine a un lien avec l'art, avec... Elle est une ancienne danseuse et aujourd'hui, elle est professeure de pilates. Qu'est-ce que c'est ça? Conse pilates, je connais, non? Mais pilates... Qu'est-ce que c'est ça? Pilates, c'était un... Je ne sais plus si c'était un danseur ou un lutteur, et il a inventé une technique pendant des années de travail. Il avait une technique de rééducation du corps par rapport à des gens, des faux mouvements. Donc, c'est des exercices, c'est une technique très pointue. C'est un diplôme international qui se passe aux États-Unis, entre autres. Je crois qu'il y a aussi des gens qui le brevettent, qui donnent le diplôme en France. Mais par exemple, elle a beaucoup de danseurs de l'Opéra de Paris, de petits rats aussi, ou de gens, ou de particuliers qui viennent prendre des cours parce qu'ils ont un problème de corps, ils ont un problème de dos, ou de jambes, d'articulation. Donc tu as des appareils, alors les appareils c'est très bizarre, tu as l'impression que tu rentres dans un club sadomasochiste, tu as des appareils incroyables, des poulies partout, des tu trucs. Tu dois passer des belles soirées. Ouais, ouais. Mais en fin de compte, non. Enfin, si je passe de belles soirées, mais sans appareil. Ouais, ben, dans l'intimité, on n'est pas là pour vérifier. Hein? Et puis, tu sais, quand tu as un enfant, tu te couches tôt. Hein? Ah oui, c'est vrai, ouais, ça c'est moi, ouais. Et puis t'es réveillé la nuit, donc. Ah, oui. Mais pas par les cris que tu connaissais avant. Ah, ouais, c'est ça. Pas les mêmes cris. Et donc elle est très pointue là-dedans. Elle était danseuse, entre autres, elle avait étudié et pratiqué la danse chez Martha Graham. Ça, c'est de la danse actuelle. Est-ce que c'est de la danse classique ou actuelle? Martha Graham? Oui. Ah, Martha Graham, c'est. Maintenant, ça va devenir un classique, mais c'était une très grande avant-gardiste à New York dans les années, je sais pas, les années 30-40, je pense. Tu vois. Ça a été les premiers. Ça fait partie de ces premières grandes vagues de danse contemporaine. Ah, c'est ça, de la danse actuelle, contemporaine, oui. Si tu étais une ville, alors de l'eau, hein, pas la ville. L'eau est. Non. J'hésite même entre l'eau ou l'eau de mer, tu vois. Mais l'eau de mer est difficile à boire, hein. Ouais, puis en pas plus, là, depuis Fukushima en plus, maintenant, l'eau de mer. Donc restons sur l'eau. Traitée. L'eau de rivière, l'eau de source. Oui, c'est vrai. Si tu étais une ville. J'aime pas trop vivre en ville, mais si j'étais une ville. J'aimerais être Paris. Paris ou c'est pas du léchage de cul, j'aimerais beaucoup être Québec parce que Québec est proche de la nature. Ouais, bah oui. Parce que Québec est vraiment une ville qui a et vraiment mixé qui a vraiment réussi à mixer et la ville et en même temps la nature. En banlieue, pas loin, la banlieue pas loin. Ouais, je serais plus peinard à Québec, je pense, qu'ici. Ben oui, par plus on reconnaît la petite France dans le vieux Québec que la petite France. Ouais. Moi ça je m'en fous, la petite France. Mais non, pour l'ambiance, c'est tellement intéressant. Ouais. Si tu étais une langue. Si j'étais, et non pas ce que j'aimerais être, si j'étais une langue. L'espéranto. Ouais. Même si ça n'a jamais fonctionné. L'espéranto, parce que je trouve que c'est extraordinaire quand t'es sur scène et que tout le monde peut te comprendre. L'idée était belle. Il y en a qui l'étudient, il y en a qui arrivent à le parler. Il y a des clubs tous les ans. De plusieurs milliers de personnes qui se retrouvent, d'après ce que j'ai entendu dire, et qui ne parlent que ça entre eux. Ça fait penser à Star Trek, tous les gens qui sont encore dans les Star Trek. Si tu étais une époque. La Renaissance. OK. Aimerais-tu faire un film d'époque pour jouer ces personnages-là, de la Renaissance? J'aimerais beaucoup, ouais. Les vêtements, c'est quoi l'ambiance, les vêtements? C'est des vêtements assez raffinés. Enfin, ça dépend, parce que si t'étais pauvre, t'étais en Johnny. Des poches de patates. Des poches de patates. Je dirais la Renaissance italienne, parce qu'ils avaient des vêtements soyeux, avec beaucoup de couleurs. Ouais. Très variés, avec des bijoux. Et les hommes avaient des bijoux maintenant. Ouais, les bourgeois, les nobles avaient des bijoux. Quoique Sarkozy a encore des bijoux. Oui. Ouais. Si tu étais un mot. Présent. Ici et maintenant, présent. Ouais. Présent. Ouais. Puis t'es vraiment présent puisque t'es à mon micro. Ouais. Si tu étais un aliment. Un animal? Un aliment. Bouffer, manger. Un aliment. Parce que là, je disais aliment, mais nous, on dit hein, aliment. On est un peu comme les ch'tis, hein? Hein? Aliment. Si j'étais un aliment, j'aime tellement les animaux. Une morgue. Ok. C'est quand même assez rare comme. Parce que j'ai vu beaucoup de femmes qui adorent les mangues. Ok. Donc, peut-être pour ça, et j'aime beaucoup la mangue. J'adore ce fruit. C'est pas surtout l'été que c'est de, ouais, du sucre. Que c'est un fruit très sensuel, très beau, qui a un beau noyau en plus. Et la forme est belle, quelque chose de comme ça, ovale. Sensuel. Sensuel. Ouais. Est-ce que tu te souviens la scène? Ben, as-tu déjà vu le film Je t'aime moi non plus? Oui. Ok, la scène de la courgette. Tu me rappelles pas de ça, attends. Okay. C'était quoi la scène de la courgette? Ben, c'est John Birkin qui mange la courgette. Et bien sûr, la sève de la courgette lui glisse sur la... Ah, je ne me souviens pas de ça. Bon. Si tu étais une saison. Une saison? Oui. Printemps. Pour la Renaissance? Peut-être, mais parce que je trouve qu'il y a... Je trouve qu'il y a de plus en plus de printemps, je dirais chaud, bon. Et j'ai l'impression que le printemps, pour moi, c'est une des plus belles saisons. C'est la remontée, c'est la sève qui monte. J'allais en Islande, qui est aussi un pays très froid. Ouais. Et le printemps est magnifique là-bas. Pourquoi tu étais en Islande par avec un ami, j'avais un très très bon pote, qui est très bon au stand-up d'ailleurs aussi, qui s'appelle Pierre Val. V-A-L? V-A-L, oui. Il n'est pas encore connu, mais c'est un type que j'aime beaucoup. Est-ce que ça se peut que je l'ai vu sur ton mur sur Facebook? Non, il n'est pas sur Facebook, lui, je crois, c'est con. Okay. Non, mais c'est un choix. Mais oui, absolument. Et puis là, j'aime le printemps, j'aime cette saison. Et puis Pierre Val voulait aller... On est allé au Québec, on est allé en Islande, et je l'ai rejoint là-bas, parce que j'ai dit, t'as de la chance d'être là-bas, il me dit, viens, viens. Et en fin de compte, ça l'a arrangé aussi que je vienne, parce que les 4x4 coûtent très cher là-bas, et sans 4x4, tu peux pas trop te déplacer. Donc on a cotisé à deux pour le 4x4, et puis on s'est éclaté, c'est un pays magnifique. Oh, on n'est pas resté longtemps, on est resté une semaine. On n'est pas resté longtemps. Et c'est incroyable parce que ici, un vol, t'es en une heure, même pas une heure et demie à Helsinki. T'as arrêté déjà aller là-bas? Non. Parce que quand l'avion survole, tu sais, on a l'habitude de voir les aéroports du monde entier, nous, quand on peut voyager. Mais là-bas, c'est deux volcans et une piste. Ben, c'est comme à la baie James. À la baie James, ben, c'est pas des volcans, là, mais c'est des bandes de neige, puis une piste. Ouais, c'est t'as des trucs, et à 10 minutes, t'as Blue Lagoon, et c'est que des sources d'eau chaude, tu sais, volcanique. Ah, c'est là. Tu sais, ils ont tellement de. C'est une terre où il y a tellement d'eau chaude qui monte, c'est une île tellement volcanique. On était dans un petit hôtel à Helsinki. Et le patron de l'hôtel s'est excusé parce qu'il n'arrivait pas à régler l'eau de la cuvette des chiottes. Donc ça bouillonnait. Donc on ne pouvait pas chier parce que ça bouillonnait, tu vois. Parce qu'ils se servent beaucoup de l'eau souterraine, évidemment. Tu vois. Paris, tu prends tes ailes. Fréquence rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Thank you. Jamais triste, pas, je passe ton crâne. Le rock'n'roll, c'est ça, mon bis. One for the money et trois je plane. Faut des victimes. Faut des victimes. Moi je suis faux des victimes. Chérie ou cardiaque rose, chopper à 100 à l'heure, raster, super dragueur, m'en fous, je prends la pause. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89 Hall à Québec, avec Rénald Garnier. Tu connais le mot geyser, évidemment. Oui, ben oui, ben oui. Ça vient d'un bled qui s'appelle Geysir, à côté de, en Islande. Ouais. Qui s'appelle Geysir, où ça pète dans tous les sens, en effet. Et des fois, le mec, il dit, tu veux manger quoi? On avait dit du poulet. Il prend le poulet, il le met dans un torchon, il va faire un trou dans la terre. Il le met, le four est là. Le four était là. Hey. Et le poulet était cuit al dente, hey, tu vois. Tu rajoutes des oignons là-dessus, c'est c'était nickel et tout. J'adore ce pays. Et j'ai trouvé le printemps très beau. Je trouve le printemps très beau. Et en plus, est-ce qu'ils ont deux saisons? Combien de saisons? Non, à mon avis, ils ont deux saisons là-bas. Je ne sais pas en donner, mais à mon avis, c'est 8 mois d'hiver et 4 mois de soleil. Hein. Hey. Puis je pensais au printemps parce que j'ai l'impression qu'avec le réchauffement de la planète, le printemps sera la plus belle saison, à mon avis. Mais l'été, ça fait rare. Hein, l'été, depuis 2 ans ici, il y a 3 ans, c'était la canicule, il y a 4 ans aussi, mais l'année dernière et cette année, c'est frais, la nuit, c'est incroyable. Si tu étais un membre corporel... Si j'étais un membre corporel... Ah, je serais le bassin. Ok. Parce que j'adore bouger le bassin. Et tu adores écouter Joe Bassin. Ouais, c'est Joe Bassin. J'adore la chanson qui avait été reprise d'ailleurs. Émilie. Dans non. le quartier du Vieux-Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent? Non, non? C'est, la scène en particulier que j'étais, c'était Marie-Jeanne, qui avait été reprise par Bobby Gentry. Je connais pas. Ouais, c'est une très belle chanson. Marie-Jeanne. Sur le pont de la Garonne. Ça s'appelle Sur le pont de la Garonne. Ok. Ouais. Si tu étais un moment de la journée, tu l'as dit tout à l'heure. Hein? J'espère être le zénith de la journée. J'espère être. C'est quoi le zénith pour toi de la journée? C'est le midi, c'est le moment où. J'adore le matin, j'aime beaucoup le matin. Le matin et le soir. J'aime le matin parce que j'adore faire beaucoup de choses le matin. Tu te lèves tôt? J'essaye. Là, j'ai pas trop le choix en ce moment avec un enfant. Ouais. Mais dans l'ensemble, j'essaye, ouais. Mais quand tu fais des spectacles, comment tu peux te lever tôt? C'est quand même assez difficile. Ben, en fait. Les spectacles, c'est 21h, des fois 20h. Ouais. Sauf ouais. le dimanche, 15h. Écoute, c'est vrai. Je joue pas tous les soirs, alors j'alterne, mais. Dans l'ensemble, je préfère me lever tôt et faire une petite nappe, une petite sieste, tu vois, et pour être en forme le soir. Ok. Alors tu fais plusieurs petits ouais, des, tu vois, de 20 minutes, ça me suffit, j'adore ça. Ah, tu peux presque méditer, hein, tu oublies tout. C'est très bon, ça, j'ai pas encore la concentration et la patience de le faire. Si tu étais un autre individu, est-ce que c'est la question, c'est si j'étais ou si j'aimerais, quel autre individu j'aimerais être, ou si j'étais... Tu l'interprètes comme tu veux, si tu étais un autre individu. Ah, il y en a tellement que j'aime, il y en a tellement. Je penserais à Bill Hicks, comme ça, je lui ferais comprendre comment éviter de mourir d'un cancer du pancréas. Ben oui, d'accord. Même si en plus, Bill Hicks, je me sens, je serais incapable de... C'est ce que je te parle de mon pote Pierre Val, c'est-à-dire que j'adore ce qu'il fait, mais c'est pas mon style, c'est pas mon truc, okay. Tu vois. Bill Hicks, j'adore ce côté subversif comme Carline et tout, mais comme c'était déjà des mecs physiquement qui étaient ingrats, moi physiquement, je m'en sors pas trop mal. Si je suis quelqu'un d'agressif, ça passe très mal. Okay. Tu vois, je suis plus, je dirais naturellement, sincèrement, une victime. Eux arrivaient à être à avoir ce côté. Moi, j'ai quelque chose à reprocher à la société parce qu'elle m'a injustement. Le côté anarchiste. Ouais. Anarchiste. Et j'adore et je me régale et je les revendique et je les soutiens et je dis il faut voir ça. Mais parce que c'est important. On aime souvent ce qui est pas comme nous, donc parce que comme nous, on dit ouais, mais ça c'est du plagiat, je pourrais le faire, ça c'est donc il y a un peu de frustration à avoir des gens qui nous ressemblent, mais ceux qui sont opposés nous attirent davantage en disant ah oui, ça c'est quand même ouais, c'est vrai. Parce que je serais pas capable de le faire, mais lui il le rend très bien. Ouais, au même titre que lui, s'il te regarde, ah ben c'est merveilleux ce qu'il fait, mais moi je pourrais pas faire ça. Ouais, tout à fait. Hey, j'ai réfléchi à ça parce que j'ai discuté avec d'autres humoristes. Et est-ce que tu serais plus Guy Bedos ou Anne Romana? Guy Bedos. OK. Guy Bedos. Quand j'avais les cassettes, quand j'étais môme, j'écoutais ça. Et c'est incroyable. Il y avait des trucs que je ne comprenais pas, ça me faisait rire. Ça, c'est fort. Okay. Mais il y avait une telle énergie. Non, je suis beaucoup plus Guy Bedos. Je le trouve plus sincère. J'aime bien Anne. Je comprends que ça marche et tant mieux. Et pourquoi pas avec plaisir pour bosser avec Anne un jour. Mais fondamentalement, je préfère plus Guy Bedos parce que déjà, c'est mon enfance. C'est une grande partie de mon enfance. Et puis, c'était contre Chirac, sa mère. Il avait écrit un sketch. C'est marrant parce que j'ai interviewé une radio il y a 2 ans. J'en ai parlé. Ils m'ont demandé quel sketch vous aimeriez écouter. J'ai dit celui-là de Guy Bedos. C'est un sketch, c'est un mec. Il dit, je vous dis que c'est pas moi qui l'ai poussé, c'est pas moi qui l'ai poussé. Ah oui, je sais, oui, tu oui, connais oui, oui, oui, oui. Sur le chantier, ils ont poussé le PDG. C'est, oui, exactement, oui. Oui, ça joue à rire et chansons assez souvent, ça. Ah, c'est génial. Ah oui, c'est vrai, c'est bon. C'est génial. C'est vrai. Mais ça, c'est au tout début de Guy Bedos, ça, là. C'est dans sa carrière. Oui, c'était à l'époque où il faisait des sketchs. Ah oui, oui, oui. À l'époque, il faisait des sketchs. Mais son dernier spectacle, là, de fin de carrière, l'année dernière, il faisait plus de sketchs. Qu'est-ce qu'il faisait? Je sais que là, il va repasser sur scène, il a dit que c'était ses adieux définitifs. Oui. Ben, j'ai pas vu le dernier. Il faisait à la fin sa revue de presse. Comme d'habitude, là, d'improvisation sur ce qui arrive dans la journée. À la journée même. Ça, c'est fort, ça, c'est bien. Ah, c'est quelqu'un bien. Qui a le sens de la répartie, ça me plaît beaucoup, moi. Quelqu'un qui peut arriver sur scène, juste en prenant le journal, puis à nous lire un peu comme si on se retrouve avec lui dans un bar. Bon, ben écoute, là, je viens de voir ça, c'est inadmissible. Et là, il commence à traiter ça, mais avec le côté humoristique de la chose. Hein. Il va toujours chercher le point drôle dans le drame. Il trouve l'angle. Oui, là, exactement. Oui, mais comme ça, un boxeur. Oui, mais je crois que c'est le métier aussi. Hein. Il y en a qui sont nés pour ça. C'est pour ça qu'ils font ça. Mais d'ailleurs, à ce propos, il est toujours aussi célèbre au Québec, Dieudonné? Parce que tu sais qu'ici, il a fait non, le coup. Non, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Il est vu comme ici. Ah. Comme ici. C'est pas c'est parce que même si la droite a une place au Québec, on a remis, j'allais dire sur le marché, on a remis en politique des gens qui nous ont fraudés. Et actuellement, il y a, imagine-toi donc, c'est diffusé à la télévision. Il y a une commission qui présente les crapules qui nous ont extorqué de l'argent. OK? Qui faisait partie d'un parti politique. Et le parti politique en question est redevenu au pouvoir depuis quelques mois. Les libéraux ont repris... le PQ avait une place à un moment donné. A été au pouvoir pendant un an et demi, deux ans. C'était une dame qui était premier ministre. Et tout près de René Lévesque. À l'époque, René Lévesque était en 76... premier ministre. Elle était là derrière et elle revendiquait les idées de René Lévesque avec le terme québécois vient de lui. Hein? Nous sommes des Québécois à cause de René Lévesque. Avant ça, on disait des Canadiens français d'Amérique du Nord, donc c'était long. Hein? Ouais. et lui a dit non, c'est pas vrai, on n'est pas des Canadiens français. OK? On est des Québécois. Le Canadien, en fait, on appelle ça les deux solitudes, le Haut et le Bas-Canada. Le francophone et l'anglophone. Et on appelle les liens qui ne se font jamais les deux solitudes. C'est pour ça qu'il y a une certaine tyrannie. Et quand les Français arrivent rapidement à dire « Vous êtes Canadien? » Non, non. Moi, je suis pas Canadien. Je suis Québécois. Bryan Adams est Canadien. Neil Young est Canadien. Leonard Cohen est Canadien. Mais moi, je suis Québécois. Je parle français. Richard Desjardins est Québécois. Richard Desjardins est Québécois. Tu connais Richard Desjardins? Pianiste, chanteur, poète. Ben, c'est lui dont je te parlais. C'est Richard Desjardins. Ah, OK, OK. J'adore ce ah, oui, mec. Ah oui, il fait de la musique. Il fait de la musique. Mais il a mais... fait... Il oui, a oui, fait... oui. Il est très drôle. Oui, oui, oui, oui. Très, oui. Très drôle. Très drôle. Et Richard Desjardins, il a écrit une chanson sur le chômage. Oui. Sur un titre, il cherche du boulot, oui, et puis oui, il va oui, pour oui. l'emploi, il est fatigué ah, et oui, tout. Mais il a... oui. Et il a fait une chanson, c'est des galions espagnols qui reviennent après avoir tué, pillé, violé des femmes et tué des enfants. Les Yankees. Non, d'Amérique... indienne. De... Okay. Ils reviennent, les galions espagnols reviennent et ils sont chargés d'or. Et il y a une tempête. Et ils racontent dans la tempête, tout le monde se fait faire des prières. Si jamais tu, si jamais on s'en sort, je donnerai tout. Ça, c'est l'album au Club Soda que tu as? Voilà. OK, piano, voix, où on voit le piano, puis Richard Desjardins. Voilà. La pochette est rouge. C'est ça. OK, allez, oui. Ah oui. Super. Incroyable. Oui. Ah oui. Va-t'en pas, c'est merveilleux. C'est une chanson de Richard Desjardins. Il est drôle. Oui, drôle, mais un grand poète, un gars qui maîtrise les mots et qui ouais. ne fait pas de demi-mesure. C'est-à-dire que lorsqu'il est... Au fond de la mine, ça c'est génial. Oui, oui, oui, oui. Au fond de la mine, tu regardes, j'en ai des frissons. Ça c'est super. Je veux mourir la tête. Je veux mourir la tête hors de. Ouais. Moi, je vois le soleil. Ça c'est superbe. Ouais. Comme il raconte les mines, ça se passe. Bah, d'ailleurs, les mines au Québec, et au Canada, ouais. Je sais plus où les mecs se font exploiter et ils sont au fond de la mine et qu'ils vont faire la grève et que le mec les écoute très poliment et puis qu'il les tue tous. Oui, exactement ça. C'est une superbe chanson. Ouais. I'm 97.